qui existent. Je suis pas sexiste, sexiste, mais laciste. Le monde est désaxé, c'est sans axe qu'on va te relaxer. T'es tranquille à la côte dans ta belle baraque. À côté le mec baraque, ça shoot ton crack. C'est les têtes qu'on shoot, pas les ballons. Tes ballons, casse tes talons et cours, cours tel un talon. Allez, calme mon cramon. Là-bas, c'est dans les bordels que travaillent les petites filles canons. Au centre commercial, suce le patron. De toute façon, t'es qu'un projeton, c'est trop. La gangrène comme des graines, grâce des troncs. La beauté, tu te trompes. Polluer l'arbre solitaire en pompe de nos trompes. Y'a plus d'air, le petit combrouné, entouré des boyaux de sa mère. La sœur et son frère mutilé lorsqu'il ne veut guère aller jouer à la guerre. Les politiciens jouent aux échecs avec des guns. Laisse-les, ne font que jouer. La mafia n'est qu'un gang, alors ferme ta gueule. La politique est une gang, si seulement ils savaient ce que les casseurs leur veulent. Les lépreux mentis, les mandats mentent. Ce sont des bandits, y'a plus de Jeep, plus de Bob Marley, plus de Gandhi. Plus de Cali, plus de Ferrari, plus de Spock dans Paris et les Gary. Plus de Cari pour les petits sans Toby au moins. Le chaperon chopera pas le Dassi. Jamais se décide, ne peuvent pas mourir face à la torture nazie à vie. Toujours se décide, se pique la partie sensible. À côté de ça, le viol en ville n'est pas un crime. Pendant ce temps-là, on se bourre la gueule. On va brûler la ville en entier. Non, non, y'aura pas de quartier. Bon, bon, y'aura pas de quartier. Bon, bon, y'aura pas de quartier. Tous les gens pour qui le profit est roi, à qui le cash le photomise la tête. Il est assis sur un trône au milieu de sale pute. Il se fait sucer l'enfoiré pendant que tu le supplies. T'as toute part de gâteau. Le cash est président, il a été élu, il a bien trop longtemps. Il est prêt à tout pour faire grossir son gros bide. Des filles de 8 ans se prostituent en Thaïlande. Des millions de personnes encore endolories par Tchernobyl. Ils s'en fout le cash, ils roulent en grosse caisse. 50 appartements, des cuisses toujours ouvertes comme un open chat. Il est prêt à tout, même à vendre du crack. Toujours plus de croissance, c'est la loi fondamentale des fils d'Adam et Ève. Comme l'eau de jouvence, c'est jamais atteint. On en veut toujours plus, la colle se sniffe, la nature souffre. C'est la loi du bif, on privatise tout. Le taux de la bourse augmente, le suicide en France c'est l'un des plus élevés. Le troisième plus gros exportateur d'armes. Les losers sont des plus productifs. Et on s'en réjouit d'avoir un bon PIB. Les gosses en Afrique travaillent 15 heures par jour. D'autres retrouvent leur mère allongée dans une rue. 30 balles dans le ventre, des boyaux éclatés dans une mare de sang. Mais le cash il s'en fout, il construit des parkings, il pollue la nature. Il veut la croissance au détriment du bonheur dans le monde. Donc pour le cash, y'aura pas de quartier. Y'aura pas de quartier. Y'aura pas de quartier. Sans connard, quelques ans, quelques verres d'absinthe. La guitare au score c'est pas simple. Je pisse pas dans les violons mais de la bière dans mes enceintes. Dans les quartiers où tu bois, où tu traites les meufs déjà enceintes. Tu rouges comme un tourac, je mens pas mon public comme pas dans le mag. Si tu veux jouer le ricain, prends-toi des balles. Des monstres de cirque aux Irakiens, des Iraniens radiés en passant par les riches militaires gradés. Nous ne sommes que les cobayes de Dieu, même les cailles se les caillent. Et ça sent l'hémoglobine caillée, y'a que des chiffres dans les cahiers. Crâne défoncé, mentalité déformée, laisse tomber, y'aura pas de quartier. Pas non plus d'issue, issue d'une famille aisée. Viens, je montrer comment ça se passe en vrai, même mon stylo est mal formé. Bon, bon. Attends, gars, mais y'a aussi des belles choses dans la vie, on n'en parle jamais. Y'a l'amour. Ouais, mais y'a aussi la haine. Mais attends, y'a la danse, la musique. Ouais, la danse, les coups de pompe. Ouais. Attends, mais y'a le sexe. Les MST. Mais attends, y'a la nature, les oiseaux. Faut la nature, la pollution, les avions. Ouais. Mais y'a la paix. Y'a aussi. Y'a ce son, ouais! S'il vous plaît, mesdemoiselles, veuillez boucher le boule, essayez d'oublier le mauvais côté du monde. Allumez la piste, que vous soyez, ouvrez les fenêtres, goûtez l'air pur, montez le son, mettez les bras en l'air, préparez vos hanches et le reste du cœur. Let's go crack, let's go life, let's go club, let's go live, let's go crack, let's go life, let's go club, let's go life. Ça fait poum poum dans les enceintes. Veuillez bouger le boule et puis veuillez scruter la vie du bon côté. Montez le son encore et préparez un corps à corps. Une partie de jambes en l'air, on en veut encore. Alors nique la guerre, y'aura pas de quartier. Oh boum boum, y'aura pas de quartier. Boum boum, y'aura pas de quartier. Boum boum,